J'ai regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une, pour vous, me vient de votre procureur. L'autre, pour vous, me vient de Lyon. Quel malheur digne de nous troubler pourrait-on nous écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre qui vous dira ce que je n'ai osé vous aller dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu? Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites paraître une âme moins commune à braver comme moi les traits de la fortune. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné. Ce mot est choquant et n'est fait que pour les criminels. Il a tort, en effet. Et vous vous êtes là justement récrié. Il devrait avoir mis que vous êtes parié par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépens qu'il faut. Voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui m'est liée à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Demain. Et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont tous deux fait banqueroute. Oh, ciel, tout à la fois, perdre ainsi tout mon bien. Oh, quel honteux transport, fille. Tout cela n'est rien. Il n'est pour le vrai sage aucun revers funeste et perdant toute chose. À soi-même, il se reste. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien nous peut suffire, et pour nous, et pour lui. Non, madame. Cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cet hymen, tout le monde est contraire et mon dessein n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps. Elle suit de bien près, monsieur, votre disgrâce. De tant de résistance, à la fin, je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois de vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez, je regarde peu comment vous le prendrez. Je ne suis point homme à souffrir l'infamie des refus offensants qu'il faut qu'ici je suis. Je veux bien que de moi l'on fasse plus de cas. Et je baise les mains à qui ne me veut pas. Qu'il a bien découvert son âme mercenaire et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, mais enfin je m'attache, madame, à tout votre destin, et j'ose vous offrir, avec ma personne, ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux, et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non, ma mère. Je change à présent de pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi? Vous vous opposez à ma félicité? Et lorsqu'à mon amour, je vois chacun se rendre... Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre. Et je vous ai toujours souhaité pour époux, lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux, j'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin avec vous me peut être agréable. Tout destin me serait sans vous insupportable. L'amour, dans son transport, parle toujours ainsi. Les retours importuns, évitons le souci. Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheux besoins des choses de la vie. Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir. Et je ne fuis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, un surprenant secours, que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, pour détromper ma sœur, et lui faire connaître ce que son philosophe à l'essai pouvait être. Le ciel en soit loué! J'en ai la joie au cœur par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice de voir qu'avec éclat, cet hymen s'accomplisse. Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Ainsi donc, à leur vœu, vous me sacrifiez. Ce ne sera point vous que je leur sacrifie. Et vous avez l'appui de la philosophie pour voir, d'un œil content, couronner leur ardeur. Ils prennent garde, au moins, que je suis dans son cœur. Par un prompt désespoir, souvent on se marie, qu'on se repente après tout le temps de sa vie. Allons, messieurs, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.